الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication des hadiths sur la croyance et le suivi mentionnés par le Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali حفظه الله تعالى dans son livre intitulé مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع. Nous allons voir aujourd'hui le 18e hadith qui concerne les signes de l'hypocrisie. Ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Qurashi, un noble compagnon parmi ceux qui ont rapporté de nombreux hadiths et qui fait partie des Abadillah, de ceux prénommés Abdullah parmi les compagnons qui ont réuni beaucoup de sciences. On les a déjà mentionnés lors d'un cours précédent et on a vu qu'ils sont Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr et Abdullah ibn Amr ibn al-As. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Ils faisaient donc partie des savants parmi les compagnons et également des grands adorateurs. Et ce dernier est mort en l'an 68 de l'Hégire. Il rapporte donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa » Il y a quatre caractéristiques. Celui en qui elle se trouve est un pur hypocrite. « Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha » Et celui en qui se trouve une de ces caractéristiques, alors il a en lui une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Donc l'hypocrisie al-nifaq, dans son sens général, c'est le fait que le fort intérieur s'oppose à ce qui est montré en apparence. C'est pour cela que les hypocrites, qui commettent l'hypocrisie majeure, sont ceux qui montrent en apparence l'islam et cachent en leur fort intérieur la mécréance. Et il y a des formes d'hypocrisie qui sont moindres que cela, et qui consistent à montrer une chose différente que ce qu'il y a en toi. Et l'hypocrisie a des signes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'indique dans ce hadith. Et celui qui trouve en lui un de ces signes, il doit savoir qu'il est en danger, car il a en lui une caractéristique de l'hypocrisie. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre cela et nous dit « Il a en lui une caractéristique de l'hypocrisie. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'il la délaisse. » Car il lui incombe de délaisser cette caractéristique, de se réformer et de changer. Ensuite, il a mentionné ces quatre caractéristiques sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Ida tumina khan » Lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Il ne le traite pas de manière légitime et légiférée. Mais il trahit ce dépôt. Il n'en prend pas soin. Il le néglige. Il ne le préserve pas. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبْ Lorsqu'il parle, il ment. Le mensonge qui est la base même de l'hypocrisie. Et cela est un des signes et une caractéristique des hypocrites. Le fait que lorsqu'il parle, il mente. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرْ Et lorsqu'il prend un engagement, il ne le tient pas. Il ne respecte pas ses engagements. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرْ Et lorsqu'il se dispute, il outrepasse les limites. Et ce hadith est rapporté par les imams, Al-Bukhari et Muslim, et d'autres, rahimahumullah ta'ala. L'hypocrisie, mes frères, est une grave maladie. Et c'est une des choses les plus dangereuses et les plus nuisibles pour l'islam et les musulmans. C'est une caractéristique blâmable, une forme de trahison, et celle-ci est apparue en premier lieu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru et renforcé par les Ansar et que se trouvaient parmi eux des gens qui ne croyaient pas en son message mais souhaitaient préserver leur bien et leur sécurité. Ils ont alors, pour des intérêts mondains, montré en apparence l'islam par ruse et par tromperie, cachant leur fort intérieur, la mécréance, wal'iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes maudit les hypocrites. Il les a blâmés et il les a menacés d'un châtiment douloureux au plus bas fond du feu. Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar. Certes, les hypocrites seront au plus bas fond du feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné la bassesse de ces gens, il nous a mis en garde également et nous a dévoilé leurs caractéristiques blâmables. Et ce, dans de nombreux versets du Coran, à commencer par les premiers versets de Surat al-Baqarah, mais également dans Surat al-Nisa, dans Surat al-Tawbah, dans Surat al-Mujadila, dans Surat al-Hashr, et aussi dans Surat les Hypocrites. Tout cela afin que les croyants soient sur leur garde et connaissent le mal de ces gens, leur ruse et leur perversité, afin qu'ils puissent s'en méfier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous a exposé quatre de leurs caractéristiques et de leurs signes évidents. La première de ces caractéristiques est la trahison du dépôt. Que tu trahisses une personne qui t'a confié une chose. Elle t'a confié un dépôt. Elle t'a confié ses biens, son argent. Ou elle t'a confié certaines choses personnelles. Elle t'a fait des confidences. Puis tu transgresses ses droits. Tu trahis cette personne. Tu ne préserves pas son argent. Tu ne préserves pas ses biens. Tu ne préserves pas son honneur. Tu ne préserves pas ses secrets et ses confidences. Tu les répètes aux gens et les diffuses parmi les gens. Tout ceci fait partie de la trahison, du dépôt, et fait partie des caractéristiques et des signes évidents de l'hypocrisie. Et comme sont nombreux, ceux à ne pas tenir compte de cette grave trahison. Combien sont ceux qui, lorsqu'on leur confie un bien qui n'est pas le leur, n'en prennent pas soin, ne lui donnent aucune considération? Combien sont ceux qui vont parfois chercher à profiter de certains biens appartenant à leur employeur ou à leur entreprise? Celui-ci a une voiture de fonction et va l'utiliser à but personnel, pensant que ceci n'est d'aucune gravité. Il voit cela comme une chose insignifiante. Mais c'est une trahison du dépôt qui t'a été confié. Car ce bien, ce véhicule ou autre ne t'a pas été confié pour que tu l'utilises dans ton intérêt personnel, mais pour l'intérêt de ton travail seulement. Et ceci n'est qu'un exemple. On peut citer aussi l'absence de respect du dépôt lorsqu'on te confie un secret. Combien sont ceux qui, lorsque leur frère ou lorsque leur sœur les informe d'une chose personnelle, d'une chose qu'ils ne veulent pas divulguer, ils se confient, peut-être ils ont besoin de conseils, d'orientation ou autre. Et tu vois cette oreille attentive s'empresser par la suite de trahir ce dépôt et d'aller diffuser ce qu'il a entendu parmi les gens, Wallahu al-musta'an. Et ceci fait partie des caractéristiques et des signes évidents de l'hypocrisie, wal'iyadu billah. La deuxième caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, c'est le mensonge. Lorsque l'hypocrite parle, il ment. Et le mensonge, comme on l'a vu dans un cours précédent, c'est la base même de l'hypocrisie. Et ceci fait partie de leurs comportements les plus vils. Ils mentent, font croire qu'ils sont musulmans, et cachent au fond d'eux la mécréance. Et ce mensonge, qui est la base de leur voix, c'est pour eux un caractère et une habitude. Donc, lorsqu'ils parlent, ils mentent. Et ce mensonge est réprouvé par l'ensemble des gens dans toutes les communautés. Toutes les communautés détestent le mensonge et aiment la véracité. Toutes les communautés méprisent et n'ont aucune estime pour le menteur. Donc le musulman, il doit apprendre à tenir sa langue et ne dire avec celle-ci que la vérité. Soit du nombre des véridiques, comme on l'a vu lors d'un hadith précédent. Sois véridique dans tes paroles, sois véridique dans tes actes, et éloigne-toi de toute forme de mensonge. Et rappelle-toi que le mensonge fait partie des caractéristiques les plus viles des hypocrites. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Et Allah atteste que les hypocrites sont vraiment des menteurs. Le simple fait de savoir que c'est une caractéristique de l'hypocrisie, ceci suffit comme mal à ce grave péché pour le délaisser. La troisième caractéristique, c'est le fait de ne pas tenir ses engagements, de ne pas tenir ses promesses. Et il suffit comme mal à ce péché, qu'il a pour conséquence néfaste, que l'hypocrisie s'installe dans le cœur de la personne, wal'iyadu billah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre au verset 77 de Sourate At-Tawbah. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. Et il a suscité de l'hypocrisie dans leur cœur. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ. Dont ils ne pourront se défaire jusqu'au jour où ils le rencontreront. Pour quelle raison? بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. En raison de leur trahison, de leur engagement envers Allah et de leur mensonge. Donc la trahison de l'engagement, le fait de ne pas tenir ses promesses, de ne pas respecter ses engagements, ses contrats, ses pactes, ceci fait partie des caractéristiques et des signes évidents de l'hypocrisie. Donc le musulman, lorsqu'il s'engage à quelque chose, il doit veiller à respecter ses engagements, ne pas prendre cela à la légère. Que ce soit tes engagements envers les gens, envers les particuliers, lorsque tu t'engages à faire une chose ou à ne pas faire une chose, tu dois tenir ton engagement. Que ce soit tes engagements envers ton employeur ou une personne avec qui tu commerces, tu dois veiller à tenir tes engagements. Également entre dans cela les conditions que tu acceptes, que ce soit les conditions d'une vente, les conditions d'un contrat de travail, les conditions de mariage. Ceci sont des choses qu'il incombe à la personne de respecter. Et ne pas respecter cela, ne pas tenir ses engagements, ne pas respecter les conditions sur lesquelles on s'engage, ceci fait partie des caractéristiques et des signes évidents de l'hypocrisie. Ne pense pas que ce sont des choses insignifiantes. Mais ce sont des choses très graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre dans cela également, à plus forte raison, le fait de respecter tes engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a créé pour que tu lui voues un culte exclusif dans l'adoration, pour que tu lui obéisses et lui voues le culte sincèrement, que tu te soumettes à ses ordres et délaisses ses interdits. Donc respecte tes engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala et ne les trahis pas. Car trahir cet engagement fait partie des signes évidents de l'hypocrisie wa l'ayadu billah. La quatrième caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée dans ce hadith est le fait de dépasser les limites, d'outrepasser les limites, de transgresser lors des disputes et des conflits. Combien sont ceux qui, lorsqu'ils se disputent avec quelqu'un, ne respectent plus aucune règle, sous prétexte qu'il est en colère, sous prétexte que cette personne lui a fait ceci ou cela, sous prétexte qu'il la déteste. Il va se permettre d'être injuste dans ses paroles et dans ses actes. Et il va outrepasser les limites. Il va dénigrer son opposant. Il va l'accuser de ce dont il est innocent. Porter atteinte à son honneur. Propager des rumeurs à son sujet. Tout ceci afin de lui nuire en raison d'une dispute qui les a opposés. Et ceci fait partie de la perversité qui est une caractéristique et un signe évident de l'hypocrisie. Combien sont ceux à ne pas s'en tenir à ce qui est mentionné dans les textes lorsqu'ils sont en conflit avec quelqu'un, parfois même au nom de la religion. On a vu nombre de personnes en période de trouble dépasser les limites dans les conflits. Il est en dispute avec quelqu'un, il s'oppose à lui sur une question religieuse ou mondaine, alors il va le dénigrer, il va l'insulter, il va mentir à son sujet, il va le diffamer. Il va chercher à le rabaisser et à ternir son image aux yeux des gens et ainsi de suite. Et il ne va pas hésiter à mentir pour cela, aggravant ainsi sa situation et augmentant et alourdissant le fardeau de ses péchés. Donc le musulman, il doit veiller à être juste, même lorsqu'il est en colère, même lorsqu'il est en conflit, même lorsqu'il se dispute, même avec une personne qu'il déteste. Même avec la pire des créatures, tu te dois d'être juste et ne pas outrepasser les limites. Même si tu es en conflit avec la pire des personnes, tu ne dois pas mentir à son sujet. Tu ne dois pas l'accuser de ce dont il est innocent. Alors que dire de ton frère et de ta sœur en religion? Comment une simple dispute peut te mener à les dénigrer et les rabaisser? Comment une simple dispute peut te mener à porter atteinte à leur honneur ou pire encore? Leur porter atteinte physiquement, comme cela arrive à certains qui, lors d'une dispute, ils n'hésitent pas à frapper, wal'iyadu billah. Et ce, même au sein de leur foyer. Pour une simple dispute, ils lèvent la main. et il frappe injustement, wal'ayadu billah. Et ceci fait partie de l'injustice et du dépassement des limites lors des conflits. Et c'est une caractéristique et un des signes évidents de l'hypocrisie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc, on tire comme bénéfice de ce hadith, premièrement, l'exposé de ces quatre caractéristiques et signes évidents de l'hypocrisie. Et l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous exposant ces quatre caractéristiques, n'est pas simplement de nous les apprendre, mais l'objectif est de nous mettre en garde contre ces caractéristiques, afin qu'on s'en écarte, qu'on s'en éloigne, et que celui qui est atteint par une de ces choses puisse s'empresser de chercher à se soigner. C'est pour cela qu'il dit « jusqu'à ce qu'il les délaisse ». Si tu les délaisses, tu te repens, alors tu te seras purifié de ce mal. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis ce péché. Donc l'objectif de la mention de ces caractéristiques est de nous en écarter. On apprend le mal afin de pouvoir s'en préserver. Et on n'apprend pas ces choses pour poser des jugements sur les gens. Car malheureusement, certaines personnes, lorsqu'ils étudient ce genre de questions, qu'ils lisent ce genre de hadith ou de textes religieux, ils ne se remettent pas en question eux-mêmes, ils pensent aux autres. Ils regardent ces caractéristiques, puis ils réfléchissent en qui il retrouve ces caractéristiques parmi son entourage. Ah, celui-ci, il ne tient pas ses engagements. Celui-ci, il a l'habitude de mentir. Celui-ci, on ne peut rien lui confier. Il ne cherche pas à se remettre en question. Tu n'apprends pas ces choses-là pour poser des jugements sur les gens. Laisse les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas à toi de leur demander compte de leurs actions. Par contre, toi, demande-toi des comptes avant qu'ils ne t'en soient demandés. Cherche à te réformer, cherche à te corriger. Occupe-toi de ta personne. Et wallahi que chacun d'entre nous a déjà beaucoup à faire avec lui-même avant de chercher à se préoccuper des gens de son entourage ou autre. Donc l'objectif de l'étude de ce hadith ou autre hadith similaire est de nous réformer dans un premier lieu et de nous préserver et nous écarter de ces caractéristiques viles et abjectes faisant partie des caractéristiques des hypocrites. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que celui qui constate qu'il est tombé dans une de ces viles caractéristiques, alors il lui incombe de s'empresser de se repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme on l'a vu, agir selon ces caractéristiques a des conséquences néfastes sur la personne. Ce n'est pas une chose insignifiante. Trahir le dépôt, ce n'est pas une chose insignifiante. Mentir, ce n'est pas une chose insignifiante. Ne pas tenir ses engagements et ses promesses, ce n'est pas une chose insignifiante. Outrepasser les limites dans la dispute, ce n'est pas une chose insignifiante. Ce sont des choses très graves, ce sont des signes de l'hypocrisie. Donc celui qui se rend compte qu'il est tombé dans une de ces choses, il doit s'empresser de chercher à se réformer. Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Et ne pas se satisfaire de ses mauvais comportements qui auront pour conséquence de faire pousser l'hypocrisie dans son cœur, wal'ayadu billah. Enfin, le troisième bénéfice que l'on va mentionner ici, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, est qu'il est possible que se réunissent, en une seule et même personne, certaines caractéristiques de bien et certaines caractéristiques de mal. Une personne peut avoir la foi et en même temps, il peut se trouver en elle certaines caractéristiques de l'hypocrisie, comme le démontre ce hadith. Et la personne sera jugée en fonction de ses actions. Et elle méritera comme récompense ou comme châtiment ce qui correspond à ce qu'elle aura mis en pratique parmi ses caractéristiques bonnes ou mauvaises. Donc le croyant, effectivement, il peut avoir des défauts. Le croyant, il peut avoir des manquements. Le croyant, il peut faire des faux pas. Nul parmi nous ne peut prétendre avoir atteint la perfection. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer nos situations, de pardonner nos manquements et de couvrir nos défauts. Et la personne doit sans cesse observer son cœur, se demander des comptes à elle-même. Car, comme nul n'est à l'abri de l'erreur, si tu te demandes des comptes régulièrement, tu pourras rectifier ces erreurs, incha'Allah ta'ala. Si tu tombes dans un péché, tu pourras t'en repentir. Tu pourras implorer le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu as des manquements dans tes obligations, tu pourras te corriger et y être assidu. Et ainsi de suite. Contrairement à celui qui est insouciant, qui est plongé dans les péchés, dans la négligence de ses obligations, et ne se demande pas de compte, et pense même qu'il est sur le bien. Wallahu al-musta'an. Celui-ci, il est en danger car il ne va faire que s'enfoncer tant qu'il reste ainsi, et qu'il ne se remet pas en question, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. On a donc terminé avec ce hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.